الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وبعد أيها المؤمنون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وبعد إن الزوج رب البيت وكما أن له حقوق عظيمة وكما أن له حقوقا عظيمة فإن عليه حقوقا فالزوج المسلم يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأداء حقوق زوجته عليه لأن الله عز وجل خالقه وربه أمره بذلك وهكذا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم يقول النبي عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته رواه البخاري ومسلم فالرجل المسلم الذي يرجو الله ويخافه ويحبه جل جلاله يعلم أنه قد استرعي هذه الزوجة الكريمة هذه الزوجة الكريمة وأنه غدا يوم القيامة مسؤول عنها أمام الله فيؤدي حقها لأنه يعلم أن هذا من تقوى الله قال النبي صلى الله عليه وسلم فاتقوا الله في النساء رواه مسلم فيخاف هذا الزوج الكريم أن يضيع وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا رواه البخاري ومسلم فهذه المرأة يا عبد الله زوجتك أمانة الله عندك فافهم هذا هذه الزوجة الكريمة أمانة الله عندك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم أخذتم بأمانة الله رواه أبو داود فمن حق الزوجة على زوجها فمن حق الزوجة على زوجها أن ينفق عليها بالمعروف أي بما جرت العادة بما جرت العادة بأن يطعمها ويكسوها ويسكنها ولو كانت غنية هذا حقها عليك يا عبد الله فلا يجوز لك فلا يجوز للزوج أن يبخل في حقها الواجب قال النبي صلى الله عليه وسلم ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف ومن حقها عليك أن تحسن إليها أن تحسن إلى الزوجة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا وحقوقهن أن تحسنوا إليهن رواه ابن ماجه فأين الذين يظلمون النساء من هذا الحديث ومن وصايا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام فأين الذين يظلمون زوجاتهم بالسب والضرب ومنع الأولاد بعد الفراق والطلاق فبعض الأزواج يضربون الزوجات ولو كانت حبلى عياذا بالله فقد سمعنا فقد أخبرنا ببعض الأزواج الذين عصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك رب العالمين بأن يضربوا زوجاتهم في بطونهم وهن حبلى فأين هؤلاء من وصايا رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام ألا يخاف هذا العبد من قول الرسول صلى الله عليه وسلم من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة؟ رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه العلامة الألباني. وليعلم الذي يظلم زوجته أن الله خاتم آية في معالجة أمر النساء باسمين عظيمين من أسماء الجلالة قال سبحانه: إن الله كان عليا كبيرا، إن الله كان عليا كبيرا. قال المفسرون: هذا تهديد للأزواج إذا اعتدوا على النساء، فإن العلي الكبير سينتقم من ظلمهن. أيها الزوج، إذا رأيت نفسك قويا قادرا على ضربها، تذكر قبل أن تعمل بأن وليها هو العلي الكبير، هو الواحد القهار العزيز الذي هو على كل شيء قدير. وعندما شدد بعض الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على الزوجات، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهم، ليسوا أولئك بخياركم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليسوا أولئك بخياركم. رواه البخاري. ومن حق الزوجة على زوجها أن يتودد إليها، أن يتودد إليها بحسن المقال والفعال، ولو بالغ في الوصف لا بأس، لا يعد هذا كذبا، أباحه الشارع لتحقيق السعادة في البيت. يتودد إليها بالكلام اللطيف الجميل، ويحسن مظهره وبطيب رائحته. قال الله سبحانه وتعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إني أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. ومن التودد أن يساعدها في شؤون البيت، وإن لم يكن هذا واجبا فهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق، وهو رسول الله وخليل الله وكليمه صلى الله عليه وسلم في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. ومن حقها عليه أن لا يفشي سرها، لا سيما ما يتعلق بأمور العشرة. فالرجل يتودد إليها بمكالمتها وبإعطاء وقتا لها يلعب معها ويمازحها، كما كان يفعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم مع زوجاته. وقد سابق عائشة رضي الله عنها بعد أن بلغ 60 سنة، أو بعد أن تجاوز 50 سنة، مرتين عليه الصلاة والسلام وهو مشغول بالرسالة وبالتدريس وبالتعليم وإلى غير ذلك كما تعلمون جميعا. ومن حق الزوجة على زوجها ألا يسبها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق المرأة على زوجها: ولا يقبح. ومن حقها عليه ألا يهجرها، وإذا قام سبب شرعي يدعو إلى ذلك تأديبا لها فحينئذ يهجرها، لكن في بيتها، لا يهجر بيتها، يهجرها في بيتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقها علينا، في حقهن علينا: لا يهجر إلا في البيت، ولا يهجر إلا في البيت. فكيف بطرد المرأة من بيتها. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز خلافا لما يفعل بعض الأزواج. ومن حقها علي ألا يبغضها، ألا يبغضها ولا ينظر ولا ينظر ولا يركز على مساوئها، بل ينظر إلى محاسنها ويصغر مساوئها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة فإن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. فالرجل المسلم سهل مع أهله، يتجاوز ويرد الطرف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حقها عليه أن يراعي طبيعتها ولا يطلب منها الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوسوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوسوا بالنساء خيرا، رواه البخاري ومسلم. وكسرها طلاقها. ومن حقها علي أن يكون الرجل معها على أحسن خلق، على أحسن خلق، ويكون الخير الذي يملكه لأهله قبل غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحاسنهم خلقا، وخياركم لأهله، أخرجه الترمذي وأحمد، وصححه العلامة الألباني بشواهده. ومن حقها عليه أن يكون سببا في استقامتها، في استقامتها ووقايتها من النار، فيعلمها وينصحها ويصبر معها ويأخذ بيدها كي تستقم على شرع الله سبحانه وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. وقال سبحانه وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ومن حقها علي أن يغار عليها بأن لا يرى منها ما يغضب الله سبحانه وتعالى. وحقوقهن أكثر من ذلك، لا يسعنا الوقت. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفات العلى أن يصلحنا وأن يعيننا على أداء حقوقهن. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Certes, l'époux est le responsable de son foyer. Et tout comme il a des droits immenses sur son épouse, tout comme elle a de grands devoirs envers lui, il a lui également de grands devoirs envers elle. L'époux musulman, celui qui croit en Allah subhanahu wa ta'ala et au jour dernier, et qui a pris pour exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam, se rapproche d'Allah en s'acquittant de ses devoirs envers son épouse, car il sait que cela est l'ordre d'Allah tabaraka wa ta'ala, son créateur, l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son exemple et messager. Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit: vous êtes tous responsables, vous êtes tous des bergers, et chacun sera questionné sur sa responsabilité ou son troupeau. L'imam est responsable et sera questionné sur sa responsabilité. L'homme est responsable de sa famille et sera questionné sur sa responsabilité. Vous êtes donc tous des bergers et vous serez tous questionnés sur votre troupeau. L'homme musulman qui espère en Allah Azza wa Jalla la grande récompense, le pardon pour ses péchés, qui a peur d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, qui craint son châtiment, qui aime Allah subhanahu wa ta'ala plus que toute chose, se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala en s'acquittant de ses devoirs envers son épouse. Car il sait que cette épouse est un dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a confié. Et sur cela, il sera questionné le jour de la résurrection. Et sur cela, il sera questionné le jour de la résurrection devant Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait également que s'acquitter de ses devoirs envers son épouse fait partie de la piété et de la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: craignez Allah envers les femmes. Craignez Allah envers les femmes. Cet homme musulman a donc peur de délaisser la recommandation de son bien-aimé et messager sallallahu alayhi wa sallam, celui qui nous a dit: faites de bonnes recommandations aux femmes. Faites de bonnes recommandations aux femmes. Arrêtez de vous retourner pour écouter les pleurs d'un enfant. C'est un enfant qui pleure comme vous pleurez lorsque vous étiez enfant. Et que la femme prenne son enfant et essaye de le calmer. S'il ne se calme pas, on patiente. Comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme musulman sait que cette femme est un dépôt. Et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des recommandations. Il lui a dit: faites de bonnes recommandations aux femmes. L'homme musulman sait que sur cette femme, il sera questionné devant Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui sait tout et entend tout, celui qui a la science parfaite subhanahu wa ta'ala. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe de cette lourde responsabilité et de cette réalité en disant: vous les avez prises selon le dépôt d'Allah. C'est-à-dire que c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui vous a confié ces femmes. Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que parmi les droits de l'épouse sur son mari, le fait qu'il dépense pour elle, le fait qu'il dépense de ses biens, de son argent pour son épouse et pour sa famille. Et tout cela selon le convenable. Si une personne nous demande combien est-ce qu'il doit dépenser pour son épouse par mois, on lui dit: cela dépend de l'endroit où il se trouve et cela dépend de ses besoins. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que parmi les droits de l'épouse sur son mari, qu'il dépense pour la nourrir et pour la vêtir, selon le convenable. Selon le convenable. Les savants ont donc dit que parmi les droits de l'épouse, il y avait le fait de l'entretenir dans trois choses, entre autres. Premièrement, pour la nourrir. Deuxièmement, pour la vêtir. Et troisièmement, pour la loger. Ceci est le droit de l'épouse sur son mari, même si elle est riche, même si elle a un héritage, même si elle travaille. Ceci est le droit de l'épouse sur son mari. Quant à l'épouse qui aide son mari dans cette tâche, elle sera récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala, incha'Allah. Et on l'encourage dans cela, mais ceci n'est pas son devoir. C'est le devoir de l'homme. Et ceux qui refusent de payer par exemple le loyer, ou bien qui ordonnent à la femme de leur donner une part du salaire et autres, ces gens sont injustes et ne se sont pas acquittés de leur devoir envers leurs épouses. Ce devoir qu'Allah Azza wa Jal t'a ordonné et ce droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, le fait qu'il soit bienfaisant envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi leurs droits sur vous, que vous soyez bienfaisants envers elles. Que dire alors de ce qui nous parvient aujourd'hui, des hommes qui oppriment leurs épouses, qui les battent, qui les insultent. Certains même retirent leurs enfants. Certains même retirent les enfants à cette femme qui les a portés de longs mois durant. À cette femme qui les a portés peine sur peine. À cette femme qui les a mis au monde et qui a vu la mort entre ses jambes. À cette femme qui ensuite s'est levée la nuit, les a allaités, a enduré pour eux, les a éduqués. Puis par la suite, l'un d'entre eux kidnappe les enfants ou autres. Ceci n'est pas permis. Ceci n'est pas permis. Tu n'as pas le droit d'opprimer cette femme, que ce soit avec des insultes, que ce soit en la rabaissant, que ce soit en la frappant ou autre. L'injustice est proscrite dans l'islam sous toutes ses formes. Certaines personnes se sont éloignés à un point des enseignements de l'islam et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils en arrivent à ne plus avoir de pitié ni de miséricorde envers leurs épouses. Au point où il nous parvient que l'un d'entre eux frappe son épouse alors qu'elle est enceinte, alors qu'elle porte son enfant, son propre enfant. L'un d'entre eux ne dépense pas pour son épouse, ni pour ses enfants, alors que c'est ses propres enfants. L'un d'entre eux bat son épouse et la frappe au ventre, alors qu'elle porte son enfant. Est-ce que ceci fait partie de la crainte d'Allah Azza wa Jal, ordonnée par Allah Azza wa Jal envers les femmes? Le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, celui qui frappe une personne injustement, celui qui frappe une personne injustement, on lui rendra cela le jour du jugement dernier. On lui rendra cela le jour de la résurrection. Les hommes doivent savoir qu'Allah Azza wa Jal dans le Coran leur a ordonné de s'acquitter de leurs devoirs. Et parmi ce que nous trouvons dans le Coran, c'est que dans un verset où Allah Azza wa Jal nous oriente dans les comportements envers les épouses et dans le fait de les orienter, il finit ce verset de Sourate An-Nisa en disant « Inna Allah kana aliyan kabira ». Méditez cela. Dans un verset où il y a des recommandations aux hommes en faveur des femmes, Allah subhanahu wa ta'ala finit ce verset en disant « Inna Allah kana aliyan kabira ». Certes, Allah est très haut et grand. Il est très haut et grand. Il finit ce verset par ces deux noms, El Ali et El Kabir. Les exégètes du Coran ont dit, il y a dans cela une grande menace au mari. Il y a dans cela une grande menace faite au mari. S'ils oppriment leurs épouses, c'est comme si on leur disait, si vous opprimez vos épouses, alors sachez que c'est Allah le grand et le fort qui se vengera. C'est Allah le grand et le fort qui les défendra. C'est Allah le grand et le fort qui leur donnera le haq, leur droit. Donc, ô cher époux, si tu te vois fort devant ta faible épouse, si tu penses que personne ne sait que tu l'opprimes, que tu l'insultes, que tu la rabaisses, que tu la bats, sache que son Seigneur, sache que son Maître, c'est El Ali et El Kabir. C'est le très haut, le très grand. C'est celui qui est fort et dominateur suprême. Celui qui t'a fait vivre et qui te fera mourir et celui vers lequel tu reviendras pour être jugé. Donc si cette idée te passe par la tête de l'opprimer ou de lui faire du mal, rappelle-toi que son Seigneur c'est Al-Ali, Al-Kabir. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains hommes se sont montrés sévères et durs envers leurs épouses en dépassant certaines limites. Alors les épouses se sont rendues dans les foyers du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de leur mari. Lorsque les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela, il a réuni les hommes et a dit, certaines femmes sont venues dans les foyers de Mohammed, sont venues parler aux épouses de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour se plaindre de leur mari. Ces derniers ne sont pas les meilleurs d'entre vous. Ces hommes ne font pas partie des meilleurs d'entre vous. Donc si tu ne veux pas faire partie de cette catégorie, n'opprime pas cette faible femme. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, c'est qu'il se rapproche d'elle qu'il se fasse aimer d'elle, de par des belles paroles et de bonnes actions. Même s'il faut pour cela dépasser les limites dans l'éloge ou dans la description, il a le droit d'exagérer en lui disant des choses qu'il ne pense pas à ce degré. Ceci n'entre pas dans le mensonge, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cela vise à concrétiser le bonheur dans le foyer conjugal. L'homme se rapproche donc de son épouse par de belles paroles. Et je n'exagère pas si je dis des mots d'amour. Il se rapproche d'elle de par sa belle apparence, de par sa bonne odeur. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous dit un verset dont la traduction est « Et elles ont des devoirs, elles possèdent des devoirs semblables à leurs droits. » C'est-à-dire que les devoirs de l'épouse envers son mari sont immenses. Ben de la même façon, ses droits le sont. Ibn Abbas nous dit suite à cela, « J'aime m'embellir pour les femmes, pour mes femmes, tout comme j'aime qu'elles s'embellissent pour moi. J'aime m'embellir pour mes épouses, tout comme j'aime qu'elles s'embellissent pour moi. » Donc l'âme fait ce qui concrétise le bonheur au sein du foyer conjugal. Et parmi les causes qui mènent à augmenter l'amour de son épouse pour lui, le fait qu'il l'aide dans les tâches ménagères et dans les tâches quotidiennes. Wa astaghfirullah. Aussi, c'était l'habitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Aïcha radiallahu anha nous le décrit en disant: il était au service de sa famille, et lorsqu'il y avait l'appel à la prière, il sortait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que c'est le messager d'Allah, alors que c'est l'homme qui a le plus de responsabilités au monde, il se mettait au service de sa famille, il s'occupait de sa propre personne. Puis lorsqu'on l'appelait à la prière, il sortait pour se rendre à la prière. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, qu'il ne dévoile pas les secrets du couple, particulièrement ceux qui se rapportent aux choses de la chambre. Et certains hommes, sans pudeur, vont trouver leurs amis et décrire ce qu'ils font avec leurs épouses. Ceci est haram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'exemple de celui qui fait ça et a l'exemple d'un shaytan et d'une shaytan à femelle qui ont des rapports en public et qui sont vus de tout le monde. Ceci est haram de parler de la vie privée et de ce qui se passe de la chambre aux amis et à toute autre personne. Ceci est haram et n'est pas permis dans l'islam. L'homme doit donc se rapprocher du cœur de son épouse par ses nobles caractères. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam plaisanta avec ses épouses, discutait avec ses épouses, accordait du temps à ses épouses. Alors qu'il avait, il est mort en ayant 9 femmes. Il avait 9 épouses lorsqu'il est décédé sallallahu alayhi wa sallam. Et tu n'entends pas dans ces maisons ce que tu entends au jour d'aujourd'hui dans les demeures de ceux qui ont une seule femme. Pourquoi cela? Car ils se sont éloignés des recommandations du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il avait dépassé l'âge de 53 ans, il était dans un voyage et était accompagné de ses compagnons ainsi que de Aïcha, son épouse radiallahu anha. Il a dit à ses compagnons: avancez. Puis il a dit à Aïcha: viens, faisons la course. Oh Aïcha, faisons la course. Puis elle a dit: moi, au messager d'Allah. Puis elle a fait la course et elle l'a dépassée. Puis elle a fait la course avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a dépassée. Plus tard, alors que Aïcha avait oublié ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors d'un autre voyage, a dit à ses compagnons: taqaddamu, avancez. Puis il a dit à Aïcha: faisons la course. Elle lui a dit: comment, au messager d'Allah, alors que j'ai pris du poids? Il lui a dit: viens et faisons la course. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dépassé. Et il lui a dit: maintenant nous sommes quittes. Maintenant nous sommes quittes. Ceci vaut pour la dernière fois. Et il arrive. Et il s'est mis à rire. Aïcha avait oublié ce moment. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam attendait l'occasion de faire entrer la joie dans son cœur. Attendait l'occasion de faire entrer la joie dans le cœur de son épouse et de la faire rire, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ainsi l'homme se rapproche d'Allah Azza wa Jal. Aïcha nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se collait à elle. Aïcha nous dit que lorsqu'elle buvait dans le récipient, il le prenait après elle de sa main et mettait ses lèvres où elle avait mis les siennes. Aïcha radiallahu anha nous dit qu'il s'allongeait sur elle, mettait sa tête sur son ventre alors qu'elle était en menstrue, alors qu'elle avait ses règles, et il salmodiait le Coran. Alors que dans d'autres religions, lorsque la femme a ses menstrues, c'est interdit de la toucher. Pour certaines, elles ne doivent même pas rester dans la maison. Mais dans l'islam, le comportement ordonné, recommandé est tout autre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait avec ses épouses alors qu'elles étaient en menstrues. Il n'attendait pas cette occasion pour les envoyer chez leur famille, comme c'est connu. Au point où Aïcha radiallahu anha nous dit qu'il dormait dans le même vêtement que l'épouse qui avait ses menstrues. Et s'il était touché du sang des menstrues, il se levait le matin et nettoyait ce sang. Subhanallah. Voici le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, le fait qu'il ne l'insulte pas, le fait qu'il ne la critique pas sans cesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit cela. Il nous a également interdit de les maudire. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, qu'il ne s'éloigne pas d'elle. C'est-à-dire, sans lui adresser la parole, ni lui passer le salam, ni lui rendre, ni lui parler, et ainsi de suite. Et si une cause amène à cela, alors c'est permis. Mais il devra faire cela en restant dans la maison. C'est-à-dire qu'il n'aura pas le droit de quitter le foyer. Il n'aura pas le droit de quitter le foyer. S'il ne lui parle pas, il ne quitte pas le foyer. Il continue de vivre avec elle jusqu'à ce que la conciliation soit faite. Jusqu'à ce que la réconciliation soit faite. Que dire alors? Ou plutôt avant ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il ne doit pas s'éloigner d'elle si ce n'est dans la maison. Que dire alors de ceux qui mettent à la porte leurs épouses? Hada haram. Que dire alors de ceux qui mettent à la porte leurs épouses, la mère de leurs enfants? Certains font sortir ces femmes-là en pleine nuit. Subhanallah, aïna tadhab hadhihi al-mar'a. Où va aller cette femme? Où va aller cette femme que tu as mis à la porte, en pleine nuit, avec tes enfants? Tu n'as pas honte. C'est la responsabilité qu'Allah t'a donnée. C'est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: je serai contre vous le jour du jugement dernier si vous n'êtes pas bien envers les deux personnes faibles, la femme et l'orphelin. La femme et l'orphelin. Donc l'homme doit craindre Allah subhanahu wa ta'ala envers son épouse et se doter des caractères qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, parmi les droits de l'épouse sur son mari, le fait qu'il ne la déteste pas. Le fait qu'il ne la déteste pas. Il ne doit pas se concentrer sur ses défauts et les énumérer, mais il doit plutôt se concentrer sur ses qualités, les immensifier, les citer, les énumérer, faire ses éloges à travers celles-ci. Et il doit minimiser ses défauts et ses imperfections. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'un croyant ne déteste pas une croyante. Si elle lui déplaît d'un côté, elle lui plaira d'un autre. Elle lui plaira d'un autre. Donc l'homme ne doit pas détester son épouse. Il doit baisser le regard sur certaines choses. Il doit laisser passer certaines actions, certaines choses. Il doit se montrer endurant. Il doit patienter pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si elle a des défauts dans son comportement ou dans son apparence, ou si elle ne cuisine pas bien, il ne doit pas la comparer à d'autres femmes. Il ne doit pas dire « ma mère faisait comme cela ». Il ne doit pas dire « ma sœur fait comme cela ». Non, il doit lui dire lorsqu'elle lui demande « Alhamdulillah » à celui qui m'a accordé une épouse comme toi. Il doit dire « Alhamdulillah » à celui qui nous a accordé cette subsistance. Et il ne doit pas lui faire savoir que ce plat ne lui a pas plu. Il ne doit pas lui faire savoir que ce plat ne lui a pas plu. Il doit parler avec tact, avec sagesse et avec douceur. Parmi les droits de l'épouse sur son mari, il doit prendre en compte sa nature. Il doit prendre en compte sa nature et ne pas lui demander la perfection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Faites de bonnes recommandations aux femmes, car certes elles ont été créées de la partie la plus haute, la côte. La côte la plus haute, c'est la plus arquée. Donc certes, si tu essayes de la redresser, c'est-à-dire qu'elle soit parfaite, tu vas la briser cette côte. Et si tu la gardes ainsi, alors tu en profiteras alors qu'elle sera arquée. Donc faites de bonnes recommandations aux femmes. Tu vas la briser, c'est-à-dire que tu vas la divorcer. Si tu cherches la perfection chez la femme, tu vas la divorcer. Tu dois donc accepter d'elle le peu qu'elle avance et baisser et fermer l'œil sur ses imperfections et la conseiller, l'aider à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ses droits sur toi, que tu aies un bon comportement envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, les meilleurs sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et le meilleur des hommes est celui qui est le meilleur avec son épouse. Donc celui qui est bien avec les gens mais qui n'est pas bien avec sa famille, ne fait pas partie des meilleurs. Ne fait pas partie des meilleurs. Parmi ses droits sur toi, le fait que tu l'aides à s'éloigner du feu de l'enfer. Le fait que tu l'éduques, tu l'orientes vers l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et tu l'empêches de lui désobéir. Car Allah nous dit dans un verset dont la traduction est « Ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous, ainsi que vos familles du feu, dont le combustible sera le feu et les pierres, ou bien les gens et les pierres. » Les gens et les pierres. Ordonne-lui la prière. Ordonne-lui le hijab. Ordonne-lui l'obéissance d'Allah Azza wa Jalla et interdit-lui la désobéissance. Tout cela avec science et avec sagesse. Donc, chers frères, chères sœurs, revenez aux enseignements d'Allah Azza wa Jalla. Revenez aux enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si vous craignez Allah et vous espérez le jour dernier, tous les problèmes de couple qui nous parviennent et que nous vivons sont dus à l'éloignement des enseignements d'Allah tabaraka wa ta'ala, à l'éloignement des enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et au manque de crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, et au fait de juger par autre que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala et de revenir aux mauvais conseillers, d'écouter, de tendre l'oreille aux mauvais conseillers, ceux qui vous ramènent des problèmes dans vos couples. Wallahu a'lam wa salli allahumma barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.